Bonjour à tous qui nous écoutez sur Radioactive. Salut Maxine. Salut Marlène, ça va ? Très bien. On est ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro de Musique Atome, l'émission dédiée à la scène locale tourangelle. Un nouveau numéro qui va régaler les amateurs de métal aujourd'hui, métal de tous horizons, puisque nous accueillons dans notre studio deux membres du groupe Amorosis. Alors, c'est des aventuriers, les gars. Ils se sont lancés dans un gros challenge dont ils vont nous parler, celui de créer leur propre festival métal, Artificial Waves. Donc, un projet qui va se concrétiser le 14 juin prochain au 37e parallèle à Tours. Aujourd'hui, ils vont donc nous parler de leur parcours musical inspiré par les nouvelles mouvances metalcore et metal moderne. Vous voyez, j'ai bien appris la leçon. On accueille donc Altaïr et 40 Hertz. Salut les c'est gars. Ça. C'est ça, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, peut-être qu'ils vont se présenter l'un et l'autre. Vous faites quoi dans le groupe? Vous êtes qui? Dites-nous tout. Et ben, en fait, on a de la chance aujourd'hui parce que bah, du coup, on est tous les deux les membres fondateurs du groupe. Donc, ça, c'est toujours chouette de pouvoir échanger dans ce contexte-là. Donc, moi, je suis guitariste au sein du groupe. Je m'occupe particulièrement de la partie, du coup, rythmique, donc la composition de la batterie, de la guitare, je dirais le corps de la musique, le corps, le squelette. Et puis, du coup, 40 Hertz. Qui suit du coup le deuxième membre fondateur qui m'occupe plutôt de tout ce qui est électro, tout ce qui est ambiance, etc. Et de la basse aussi, c'est un peu important. Voilà. Ouais. Et alors, justement, le groupe Amorosis, c'est un groupe un peu nouveau et il est né comment? Vous n'êtes pas tout seul dans ce groupe en plus? Alors, Amorosis, c'est né en 2020, je pense. Avec Altaïr, on a toujours fait de la musique un peu ensemble et tout, mais jamais sous une forme très concrète, jamais sous un vrai nom. Et on a commencé, ouais, il y a 4 ans, à vraiment mettre en place le projet, tout ça. Au début, tous les deux, avec un ou deux titres qui étaient vraiment à l'état de maquette. Puis on s'est fait rejoindre par chanteur-chanteuse, donc on a TRN au chant et Datura également. Et là, cette année, on a été rejoint par 5, du coup, qui est notre batteur. Donc maintenant, on a une formation complète au bout de 4 ans, donc c'est bien. Et voilà. On a pris notre temps, quoi, tout simplement. Oui. Et en fait, Amorosis, c'est né à la base d'une volonté commune en écoutant des groupes qui nous inspiraient vachement et puis en ressentant un petit peu toutes les émotions que eux pouvaient véhiculer. On a forcément eu ce sentiment qu'ont beaucoup de groupes qui commencent, c'est-à-dire nous aussi, on a envie de créer ça, on a envie de transmettre les émotions que eux nous ont transmises. Et c'est à partir de là qu'on s'est cherché, on a longtemps cherché notre son, mais c'est là-dessus que s'est construit Amorosis, toujours dans cette recherche de créer quelque chose qui nous parle et qui va parler à notre audience, tout simplement. D'ailleurs, en parlant de votre son, comment vous pourriez nous le décrire un peu dans des grandes lignes? Je dirais que ce qu'on dit souvent, et ça c'est assez particulier avec notre musique, c'est que c'est une musique qui doit s'anticiper. C'est-à-dire qu'on a une musique qui se compose essentiellement par ordinateur, on a besoin d'avoir un gros soutien d'inspiration électronique, d'aller chercher de l'inspiration un petit peu partout. Je me souviens que 40 Hertz parfois va chercher carrément de l'inspiration sur des sons qui ressortent des réseaux sociaux, des choses qui n'ont rien à voir de base, et c'est justement l'implémentation de choses qui n'ont rien à voir ensemble pour créer un tout qui est très cohérent, qui déjà définit pas mal notre musique. Et à ça, on rajoute toute l'influence métal purement. Moi, j'ai un gros bagage métal depuis des années, depuis que je suis tout petit. Et c'est ça aussi qui, du coup, nous relie, je dirais, à la scène métal et qui ne fait pas qu'on est non plus un ovni qui n'a rien à voir avec ce qui se fait. Pour moi, on a vraiment ce côté pertinent avec la scène d'aujourd'hui, mais notre petit côté particulier, notre petite patte à nous qui fait la différence. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter, toi. Non, tu parles bien. Merci. Vous avez aussi une empreinte un peu visuelle qui est quand même assez marquée, oui. Également. Vous voulez nous en parler un peu? Ah, oui. Amorosis, en fait, on a toujours eu une volonté de faire de ce projet quelque chose d'assez complet, d'assez global en termes de vision de l'art. C'est-à-dire qu'on fait du son, mais on est aussi très fan du côté visuel. Avec Altaïr, du coup, on a beaucoup trempé dans le milieu audiovisuel depuis qu'on est tout petit. À faire des trucs de notre côté pas très aboutis, mais des petits trucs quand même. Et avec Amorosis, pour nous, c'était l'occasion de faire un tout, en fait, et de pas se contenter de juste faire de la musique, mais d'apporter une vraie vision, une vraie direction artistique au niveau du visuel, avec du coup une identité forte, que ce soit en termes de costumes, que ce soit en termes d'univers autour du groupe, mais aussi avec les clips, du coup, sur lesquels on est tous les deux réalisateurs, qui sont bien représentatif en fait de notre musique. Les deux se répondent bien, je trouve. Ouais, totalement, c'est ça. Il y a une cohérence, il y a une volonté de cohérence en tout cas, de contrôle de tout ce qui sort du groupe, à la fois de la musique et la partie visuelle, ce que nous on montre au public. On a envie que chaque chose qu'on va montrer sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie, quand les gens vont nous croiser, quand les gens vont nous voir sur scène, quand ils vont consommer notre musique, les clips, etc., on a envie que vraiment il y ait une expérience qui soit complète. Une cohérence, ouais. Ouais, c'est ça. Et vos looks aussi, vous avez des masques par exemple, c'est assez original aussi. Bah ouais, totalement, ça va dans le même sens, dans la volonté d'avoir un storytelling particulier, de pouvoir avoir des personnages plus que des musiciens. Nous, on n'est pas très attaché au fait que les gens soient fans, idolâtres entre guillemets des musiciens ou des personnes en tant que telles. Nous, on préfère que les gens se créent une histoire autour de nos noms, qu'ils puissent être fans soit d'un masque, soit de l'histoire qui est racontée derrière ce masque, etc. Et ça laisse aussi la liberté pour chaque musicien de développer son propre personnage avec sa propre personnalité et ses traits de caractère. C'est d'ailleurs ce que vous dites aussi par rapport au texte, hein, c'est que vous souhaitez tendre vers l'interprétation personnelle des auditeurs. Chacun y trouve ce qu'il va y chercher finalement. C'est ça, notre chanteur du coup, Tyrone, c'est notre lyriciste aussi, c'est lui qui écrit toutes les paroles. Et il a toujours voulu avoir cette dimension de pluralité d'interprétation, dans le sens où il va nous fournir un texte, nous on va dire ce qu'on en pense, qu'est-ce que ça nous a évoqué. Et très généralement il nous dit, bah moi c'était pas du tout dans ce sens-là que je l'ai écrit, c'était plutôt dans ce sens-là. Et on a certaines musiques qui ont 5, 6 niveaux de lecture différents, parce que justement, on aime bien avoir une sorte de dialogue avec nos auditeurs, où ils vont pouvoir nous donner leur ressenti par rapport à la musique qui sera différent d'une autre, et c'est en ça qu'on trouve que la musique est belle, quoi. Ça fait une sorte d'échange en fait. Mmh. Ouais, totalement. Alors, sur le visuel, puisqu'on en parlait, vous pouvez nous le décrire un petit peu, ce visuel qu'on retrouve sur les flyers, sur les affiches, c'est quoi? Bah alors en fait, là, le visuel qu'on a bah, du coup également sur l'affiche du festival, c'est la pochette de notre premier album, donc, du coup, qui va sortir le même jour que ce festival-là. Exordium. Exactement, c'est ça. Pour nous, la volonté de représenter bah, du coup, un astronaute, c'était la volonté de représenter pour nous le parfait mélange entre l'humain et la technologie. Alors pourquoi? Bah, parce que cet album-là, malgré... plein de sujets différents qui ont été abordés dans cet album-là, on a quand même un point qui rallie un petit peu le tout, c'est toujours s'interroger sur le rapport entre l'humain, la technologie, aujourd'hui bah, on a même les IA, savoir un petit peu comment on va réagir à ça, comment on va pouvoir implémenter tout ça dans notre quotidien. Et on a un tel sujet avec ces termes-là dans l'album qu'on a voulu prendre, je dirais, le métier le plus lié à la technologie, à tout ce qui se fait de mieux en termes de technologie. Et pour nous, l'astronaute, c'est la pointe, hein, c'est le domaine de l'aérospatial, c'est vraiment la pointe de la technologie. Et l'astronaute, ça représentait parfaitement ça, je dirais, le point de bascule entre les deux, quoi. Puis sur l'affiche, on va retrouver un petit peu la palette de couleurs Amorosis, avec beaucoup de couleurs sombres, beaucoup de noir, aussi le doré, qui est un peu la couleur phare de cet album. À terme, ce qu'on aimerait bien expérimenter avec Amorosis, c'est d'avoir toujours la même direction artistique, mais avec des petits changements, notamment les accents de couleur. On aimerait bien changer. Là, cette année, ça va être le doré. Le prochain album, ça pourrait être une autre couleur, tout ça. Et c'est notre dimension visuelle. Elle se consiste de couleurs sombres, d'éléments technologiques, d'éléments graphiques très, très tranchants. Et c'est ça qui fait la patte Amorosis, je pense. Ouais, puis je pense que pour continuer un petit peu sur le sujet justement de la couleur, on a justement cette volonté d'avoir un tronc de base qui est justement noir et blanc monochrome, qui est très solide. Pour nous, ça représente vraiment une certaine solidité, parce que on peut jouer sur les contrastes. C'est-à-dire qu'en fait, le travail du noir et blanc, il est pour moi un petit peu plus technique que le travail des couleurs, parce qu'on va venir jouer vraiment sur la subtilité du contraste, etc. Et ça, c'est exactement ce qu'on essaie d'avoir dans notre musique. Et la petite couleur de rehausse, le doré en plus, pour nous, c'est un petit peu les paillettes supplémentaires. C'est bah, justement les petites choses qu'on rajoute dans notre musique qui, à notre sens, nous parle à 200%. Justement, aller chercher du détail à fond pour que l'auditeur puisse prendre plaisir à écouter une, deux, trois, quatre fois la musique et découvrir des choses toujours à chaque écoute, quoi. Et donc là, bah, si vous êtes là aujourd'hui, c'est surtout pour nous parler de votre festival que vous organisez et auquel vous allez jouer justement. Est-ce que vous pouvez nous le présenter en quelques mots? L'idée de base, d'où il sort ce festival? Artificial Ways, en fait, c'était un peu une revanche de notre part. On voulait faire notre release party, du coup, dans une autre salle, et on nous a refusé l'accès parce qu'on n'était pas assez connus, ce qui se comprend. Et donc, de là est venue une volonté de faire notre propre truc, notre propre événement. Donc, on a trouvé une salle, on a trouvé de quoi faire une scène, tout ça. Et en fait, on s'est dit, on avait déjà deux groupes en première partie, puis on s'est dit, autant pousser le truc à fond. Essayer de trouver d'autres groupes qui seraient chauds, essayer de trouver des ateliers autour, que ce soit des artisans, de la food, des stands de tatouage, tout ça. Et finalement, c'est de là qu'est né Artificial Waves, en tant que vrai festival et plus juste un concert de release pour nous. Et ouais. Et puis c'était aussi l'occasion, du coup, au fur et à mesure qu'on développe ça, on a essayé de s'entourer un petit peu d'assaut du tissu local, se renseigner un petit peu sur ce qui se faisait, etc., prendre un petit peu la température un petit peu partout. Et c'est justement au contact de tous ces acteurs-là qu'on a décidé de créer un événement qui puisse regrouper plein de métiers différents, faire appel à des prestataires, pouvoir vraiment faire quelque chose de qualité. Et c'est vraiment là, ça a pris une autre tournure, quoi, une autre grandeur, tout simplement. Alors, Exordium, c'est la première sortie musicale du groupe que vous fêterez en même temps que Artificial Waves. C'est ça. Y a deux titres déjà qui sont disponibles. Un qui est sorti le 22 mars, Obsolète. C'est ça. Et le second... Last Reminiscence, du coup, qui est sorti le 17 mai, là, dernièrement. On pourrait peut-être se mettre directement dans le bain en écoutant ces titres. Bien sûr, totalement. Et puis après, vous nous en direz quelques mots. Bien sûr. Never! Vous êtes toujours sur Radioactive dans l'émission Musique Atome avec aujourd'hui le groupe Amorosis à nos côtés, Altaïr, guitariste notamment, pas que, et puis 40 Hertz qui lui est à la basse notamment, mais pas que, exactement. Également. Donc s'ils sont là aujourd'hui, c'est pour nous parler de la sortie de leur album qui se fera en même temps qu'un événement de taille, c'est leur premier festival. Artificial Waves, et donc on vient d'écouter deux titres, le premier qui s'appelle Obsolete et qui est donc sorti au mois de mars, et le second, Last Reminiscence, qui est sorti au mois de mai. Vous pouvez nous dire quelques mots sur ces titres qu'on vient d'écouter, les garçons ? Bah, Obsolete, c'était le premier morceau d'Amorosis vraiment abouti. On avait un autre petit morceau qui nous servira d'intro pour Exordium, mais Obsolete, c'était notre première musique, notre première chanson, la première fois qu'on intégrait chanteur-chanteuse, tout ça. Et ça a été une composition qui a pris énormément de temps. Ouais, c'était infâme. Obsolete, ça a été peut-être un an. Ouais, on a pris un an, je pense, de trait pour trait, ouais, un an. Un an pour trouver notre patte, pour vraiment se familiariser avec l'environnement sur lequel on compose, avec les instruments, à avoir des inspirations extrêmement différentes. On est passé par beaucoup, beaucoup d'étapes pour Obsolete. Il y a eu beaucoup de démos, beaucoup de maquettes différentes. Donc c'est une musique qui a mis beaucoup de temps à se créer, mais en fait ça nous a fait une base extrêmement solide pour tout l'album, parce que c'est dans Obsolete qu'on va retrouver énormément d'éléments qui vont se retrouver dans toutes les autres tracks de l'album. Mm-hmm. Ouais, totalement. Et puis Obsolete, ça a été aussi le premier travail qu'on a essayé de porter un petit peu sur l'album à chaque fois qu'on a tourné des clips. Ça a été de pouvoir composer une chanson qui est à la fois en même temps écrite, couché sur le papier sous forme de scénario, et en fait on a toujours comme on le disait tout à l'heure, le visuel est tellement imbriqué avec la musique et inversement dans notre formation que nécessairement des fois en fait on va avancer un petit peu sur l'idée qu'on veut derrière le clip, et puis du coup ça va faire avancer la musique, des fois la musique va avancer un petit peu et ça va conditionner les images qu'on veut mettre en face. Dans tous les cas, en fait, il n'y a pas eu un travail d'écriture musicale dans un premier temps et ensuite le travail d'écriture du clip. Ça s'est fait en même temps. Alors bah justement c'est ça qui nous a pris le plus de temps, c'est que des fois on avançait un petit peu sur la chanson mais on n'avait aucune idée de comment on voulait le montrer visuellement, et du coup ça bloquait, donc on revenait en arrière et inversement. C'est ça qui a pris énormément de temps. Aujourd'hui, on était capable de le faire plus rapidement, mais on s'est beaucoup cherché et ça nous tenait vraiment à cœur d'avoir une ultra cohérence à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est très fiers aussi du clip qui est associé à cette chanson-là, parce que ça a été écrit en même temps, tout simplement. Puis ce travail de cohérence, il était aussi important sur Last Reminiscence, du coup, le deuxième morceau, qui est notre morceau le plus long de l'album et peut-être le plus... C'est le plus représentatif de ce qu'on sait faire de mieux, quoi. Voilà, c'est ça. C'est un peu notre chef-d'œuvre, un peu notre bébé pour cet album. Last Reminiscence, c'est près de 200 pistes, c'est 5 minutes, c'est beaucoup de passages différents, c'est des transitions formidables, c'est beaucoup d'expérimentation au niveau de la voix avec des mélismes de la part de Datura, avec des trucs beaucoup plus gutturaux de la part de Tyrene. Au niveau du son purement, on a vraiment poussé les curseurs au max. Là où Obsolete, on a fait quelque chose de très contrôlé, on va dire. La Stream Licence, c'était vraiment, pour parler franchement, c'était vraiment un bordel, quoi. C'est vrai. Non, c'était... La composition était assez terrible, mais c'est pareil, ça s'est calqué sur une volonté aussi de représenter une thématique derrière le clip et derrière la chanson qui était forte. Donc on avait envie que la chanson, elle aussi, soit forte. Voilà, on pourra revenir un petit peu dessus, mais c'est une chanson qui parle du rapport au deuil, du rapport à toutes ces choses-là. Pour nous, c'est un sujet qui est tellement important qu'il fallait qu'il soit traité de façon aussi importante et, je dirais, un peu plus grandiose que certains autres morceaux, quoi. Mais quand on met un an à cheminer un projet, comme c'était le cas sur Obsolete, par exemple, le produit fini ressemble à ce qu'il était au début ou pas ? Bah, le riff principal, oui. Oui, mais c'est tout, je crois. En soi, oui. Il y a tout qui a changé. En fait, de base, Amorosis, c'est né de moi qui faisais des petites maquettes dans mon coin qui n'avaient rien à voir avec du métal, c'est-à-dire que c'était de la lofi, hip-hop, ce genre de choses. Puis un jour, je me suis dit, en vrai, moi, ce qui me plaît, c'est l'électro, donc j'ai commencé à faire un peu d'électro. Je l'ai envoyé à Altaïr et Altaïr a dit, bah, je vais te faire une batterie dessus, je vais te mettre une guitare dessus, on va voir ce que ça fait. Et là, on s'est dit, putain, il y a quelque chose à faire. Et ensuite, est né Obsolete. Et du coup, dans ce petit espace-temps, on s'est dit, bah, il faut vraiment genre, pousser le truc un peu plus loin et pas se contenter de ça et vraiment trouver notre patte artistique. Donc, Obsolete, je trouve que ça n'a pas trop changé. Non, en soi, le son choisi, il n'a pas changé. En soi, la direction, je dirais, n'a pas changé. C'est un morceau qui est plutôt agressif. L'agressivité, on la retrouve sur tout le morceau. Je trouve que ce qui a plutôt changé, c'est que par rapport aux premières maquettes, on était vraiment dans un esprit très metal old school, pur et dur de ce qui se faisait il y a quelques années, voire une dizaine d'années. En fait, le travail qui a été fait, c'est toute l'implémentation de l'électro pour chercher notre patte. C'est ce que je disais tout à l'heure, justement, là où la guitare, la batterie, la basse, c'est un petit peu le squelette de la musique, c'est ce qui se fait depuis des années. Je trouve que la patte d'Amorosis, elle ressort lorsqu'il y a l'électro dessus, lorsqu'il va y avoir les voix, et ce travail-là, il est ultra important, et c'est ça qui a pris du temps, justement, pour trouver ce qui marche et comment on arrive à bosser ensemble. Et aujourd'hui, on voit que quand on bosse ensemble, c'est ultra fluide. Je crois qu'on s'est jamais vraiment pris la tête sur qu'est-ce qui était Amorosis, qu'est-ce qui ne l'était pas. Ça a toujours été limpide, mais ça a pris du temps pour construire ça. Trouver l'équilibre. Ouais, mais aujourd'hui, on est capable de composer une chanson entière en une semaine, tellement c'est limpide pour nous. On sait ce que c'est. Amorosis, c'est ça, c'est pas autre chose. Quand on va implémenter quelque chose, on le sait tout de suite, tous les deux, que ça va pas être bien. Et on l'enlève, et puis on met autre chose, et puis on avance comme ça super vite. Alors, Exordium, c'est donc le premier album qui va sortir le 14 juin. Est-ce que vous allez jouer l'album entier ? Oui. Ouais. Vous n'avez pas peur. Hein. Ouais, c'est ça. C'est votre première performance live, du coup ? Aussi, ouais. Première performance live. Bon, on est certains qui ont quelques petites expériences à droite à gauche, mais jamais avec cette ampleur, ce matériel et puis cette occasion aussi de jouer devant beaucoup de monde. Donc là, tout l'album, c'est vraiment travaillé aux petits oignons, on espère. Donc ça va être chouette. Mais justement, ouais, un set de 40-45 minutes à peu près. On va retrouver aussi votre empreinte visuelle, du coup, aussi pendant cette performance. On va essayer de faire en sorte que oui. Ouais, c'est ça. C'est toujours plus compliqué parce que dans la réalité, on ne peut pas tricher, contrairement au clip. Dans tous les cas, il faut qu'on fasse ce qu'il faut pour que ça soit visuellement fidèle au groupe. Mais ça demande effectivement une réflexion qui est différente, qu'on n'a pas eu l'occasion d'expérimenter jusqu'aujourd'hui, donc on cherche encore un petit peu, mais il y aura 2-3 surprises sur scène, ce genre de choses là puis évidemment on sera masqué avec nos tenues, ça change pas. En cosmonaute presque. C'est presque, c'est vrai que nos tenues des fois elles sont un peu Et donc pour ce festival Artificial Waves, vous avez donc bien sûr votre set, mais il n'y a pas que vous qui serez là. Du coup, comme vous avez dit, vous avez voulu pousser le projet jusqu'au bout. On a quand même combien de groupes ? Beaucoup, hein ? Bah, on est 7 en tout, ouais, avec 7. Nous 7, ouais, carrément. Et c'est pas que de la scène locale, c'est aussi de la scène nationale. C'est ça. En fait, derrière Artificial Waves, du coup, quand on s'est posé la question de savoir quel groupe on allait inviter, déjà de base, c'est ce que disait 41 tout à l'heure, on avait deux groupes en première partie, on avait Purge Sanity et Dust in Mind qui devaient jouer avec nous. En fait, c'est parti de connaissances, tout simplement. Moi, je connais bien Maxime qui officie dans Purge Sanity et Jenny dans Dust in Mind, donc comme c'était des connaissances, le contact s'est fait plus facilement. Mais justement, quand on a cherché à implémenter de nouveaux groupes, on s'est posé la question de savoir si ce serait pas pertinent d'avoir une prog justement à la fois locale et nationale pour pouvoir défendre ça. Le point de ralliement, c'est le modern metal, donc c'est un style de metal qui est particulier, qui est très en vogue aujourd'hui. Amorosis s'inscrit là-dedans, donc c'est pour ça qu'on voulait créer un festival à cette image-là. Mais justement, on a toujours volonté à montrer ce qu'on sait faire ici, en Touraine, etc. Et à l'échelle nationale, justement. Et à l'échelle locale, du coup, on a le groupe IERAO qui nous aide à organiser tout ça, qui nous fournit une aide matérielle, une aide bénévole, tout ça. Donc, on les remercie beaucoup là-dessus. Eux, ils font vraiment partie du tissu local. Ils commencent à être vraiment bien implantés à Tours. Au niveau de la scène locale, on a aussi Aurora. Mmh. Eux, on ne les présente plus. Hein. Ils sont là depuis très longtemps. Ils font toujours beaucoup de bruit. Totalement. Et puis, on a Arch of Coven, bon, un petit peu plus loin, mais du coup, au niveau de Blois, eux, pareil, commencent à bien fonctionner. Ils ont joué Winter Reap, il me semble, l'année dernière ou cette année. Donc, commencent à bien fonctionner aussi. Puis, ils sont très contents de pouvoir venir sur le fest. Mmh. Et puis, du coup, à l'échelle nationale, on a vraiment beaucoup de fierté à pouvoir inviter Rêve Noir, qui est un groupe aujourd'hui qui commence à vraiment, bah, en deux mots, tout casser hein, sur la scène française et puis même un petit peu à l'international. Rêve Noir, c'est un groupe qui a été créé en septembre de l'année dernière, qui aujourd'hui cumule presque 50 000 auditeurs par mois sur Spotify avec des clips qui dépassent les centaines de milliers de vues sur YouTube. Donc, on est super content de pouvoir faire un bout de chemin avec eux. Et puis pareil, on a un échange de bons procédés où on s'échange un petit peu nos manières de communiquer, nos manières de créer de la musique et de concevoir la scène aujourd'hui. Mmh. Et ça, c'est hyper précieux pour nous parce que d'un côté, il y a effectivement bah, le côté on organise un festival, un spectacle, faut que ça soit super chouette avec des super concerts, mais il y a aussi un gros réseau qui se crée. Et ça, c'est super chouette pour nous aussi. Et justement, vous parlez, donc c'est vraiment autour du métal moderne. C'est pareil, il y a cette dimension un peu son électronique comme dans votre musique pour les autres groupes qui seront là, ou c'est des empreintes quand même assez différentes? Il y en a un peu pour tous les goûts? Je trouve que oui, en vrai, on trouve un petit peu d'électro dans chaque groupe. Après, nous, c'est vrai qu'on est peut-être celui qui le pousse ouais. Le plus loin. Nous, c'est un instrument à part entière. Voilà, c'est ça. Mais on a tous cette patte plus ou moins prononcée, mais qui nous inscrit à peu près tous dans le métal moderne. C'est ça. C'est-à-dire que nous, parce que ce que je disais, on a c'est un instrument à part entière, l'électro, là où les autres, ça va être un appui. Et je dirais que ce qui définit le métal moderne, c'est plus l'état d'esprit de composition et les méthodes de composition. C'est-à-dire que le métal moderne, la plupart du temps, aujourd'hui, on n'est plus en salle de répétition, à jammer ensemble, enregistrer un petit peu comme ça des maquettes et puis enregistrer au propre ensuite. On n'a même plus de sessions studio. Aujourd'hui, on a généralement 1, 2, voire 3 personnes dans un groupe qui vont composer l'entièreté. On a beaucoup de batteurs aujourd'hui qui même ne composent plus sur une batterie, qui vont composer sur PC. Et justement, ça apporte des réflexions qui sont différentes, des possibilités qui sont différentes. Et c'est un petit peu ça le métal moderne en fait. C'est des sonorités et une conception de la musique qui est différente. Après, c'est une programmation qui va quand même être intéressante dans le sens où chaque groupe a sa patte avec des choses très différentes qui vont être proposées. Je pense par exemple à notre musique qui est très très carrée au niveau du rythme, qui sera pas du tout ressentie de la même façon que celle de Aurora, qui sont plus dans le prog, ouais, totalement, avec ouais. Des choses beaucoup plus techniques. On va avoir des choses un petit peu plus douces, entre très très grosses guillemets, avec Dustin Mind, alors qu'on a aussi Purge of Sanity qui le seront un peu moins. Ouais, c'est clair. Donc ça va nous faire quelque chose de quand même très très... varié. Ouais, varié, c'est ça. Et donc c'est ça qui est aussi intéressant dans une programmation, c'est qu'on ne veut pas non plus avoir 7 groupes qui font 7 fois la même chose, quoi. L'inconvénient un petit peu du modern metal aujourd'hui, c'est que ça englobe tellement de choses. En fait, le modern metal, c'est un nom qu'on a donné à ce qu'on fait aujourd'hui en metalcore. Et le metalcore, c'est un style qui existe depuis un petit peu après les années 2000. Et c'est un style qui a tellement évolué. Le metalcore des années 2010, ça n'a rien à voir avec le metalcore d'aujourd'hui. Ça n'a rien à voir même avec le metalcore d'il y a 4-5 ans, avant Covid. Et justement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est important pour nous de communiquer sur le fait qu'il y a plein de choses différentes dans le modern metal. On va avoir des choses vraiment très agressives, des choses vraiment beaucoup plus douces, avec du chant clair. Et c'est ça qui est très intéressant dans ce style-là. C'est qu'on sait très bien qu'avec un festival estampillé modern metal, on a moyen de faire des programmations qui sont ultra variées, qui peuvent plaire à beaucoup de monde. Et d'ailleurs, est-ce qu'on n'écouterait pas quelques titres pour se mettre un peu dans... Mais dans... j'allais te le dire, Maxine. Vous nous conseillez quoi, là, pour l'apéro? Pour moi, je propose qu'on aille dans l'ordre de la programmation. Donc, okay. On a déjà en première partie, du coup, à l'ouverture des portes, 17h, et ensuite, première partie, à 17h45, on a Arch of Coven, qui seront suivis par IERAO et Aurora. Et ben, on va un petit peu les écouter, puis on pourra continuer de parler du festival après. C'est parti. We'll be right back. Everybody. all those flowers. They're the new world and the fleeting one. Toujours évidemment sur Radioactive dans Musique Atome. Une empreinte métal aujourd'hui dans cette émission avec nos amis d'Amorosis qui se sont lancés dans un pari fou. ils vont le relever, et avec brio, c'est de réaliser leur premier festival, un festival sur lequel ils se produiront, qui s'appelle Artificial Waves, qui aura lieu le 14 juin à partir de 17h, hein, début des c'est hostilités, ça. Assez tôt d'ailleurs, mais il faut de la place pour tout le monde, donc il fallait démarrer de bonne heure. Ce sera au 37e parallèle à Tours. Je crois qu'on n'a pas forcément évoqué encore les tarifs, mais on est sur 15€ en pré-vente, donc allez-y, les places partent, hein, donc allez-y, réservez. Et puis ce sera 18€ sur place pour ceux qui n'auront pas pris le temps de réserver, mais ce sera possible d'arriver. Donc là, on a écouté trois groupes qui font partie de votre affiche. Arch of Coven, Yerao et Aro Aura. C'est ça, exactement. Il faut arriver à prononcer tout ça, hein, attention. C'est technique, c'est technique. On n'est pas les pires. Oui, Amorosis, finalement, c'est simple. Ouais, ça va. Oui, ça va. Du coup, un mot sur ce qu'on vient d'entendre, hein, sur ces trois groupes. Bah là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on a trois groupes avec des sons qui sont très différents, justement. On a des propositions qui sont différentes. Donc c'est ce que disait Carinthère tout à l'heure, on a Aurora qui sont très implantés dans la scène tourangelle, qui ont une patte très technique avec un jeu qui est essentiellement basé sur la gestion du tempo, les changements de tempo, etc. Et ça, c'est ce qui est très appréciable dedans. Puis on a du coup nos chers copains de chez Yerao qui nous aident à organiser ce festival, qui eux ont un métal un peu plus old school, qui tend à se développer à la fois avec des influences très néo-métal, metalcore justement des années 2010, etc. Donc là, c'est une proposition qui ramène un petit peu à ce qui se faisait avant, mais avec une touche moderne, qui est super chouette. Et puis du coup, Arch of Coven, qui eux sont vraiment dans le metalcore pur et dur de ce qui se fait aujourd'hui, quelque chose de très efficace et de très bien produit. Alors quand on démarre un festival à 17h, il y a la partie musicale évidemment, mais il y a aussi les papilles. Comment ça se passe, buvette, restauration, vous avez prévu quoi pour le public ? On a prévu beaucoup. Niveau restauration, on va faire notre propre stand de restauration tout simplement, avec à la carte, au menu. Vous allez retrouver des frites, vous allez retrouver des sandwichs, tout ce qui va être soft niveau boisson. On va aussi, évidemment, vu que c'est un concert métal, avoir un bar. Et de la bière, j'espère. Exactement. Avec pas mal de petites choses assez variées. En extérieur, vous allez pouvoir retrouver des food trucks sucrés, notamment le Palais du Sorbet de la Glace. Donc ça, c'est bien. On sera en juin, il fera chaud. On espère, ouais. Ça sera pas mal, quand même. Et puis autour de ça, vous allez avoir toutes les autres petites découvertes, les autres stands. Vous allez avoir des artisans, vous allez avoir le Borderline Tattoo, du coup, qui va venir faire une installation pour des flashs, pour des tatouages, tout ça. Donc ça, c'est très cool. Et ce qui permettra de vous occuper pour les interscènes avant que le concert commence, tout ça. Exactement. Donc il y a une vraie volonté de créer un événement qui est même plus juste musical, en fait, qui est un vrai festival complet, parce qu'il y a aussi des associations qui seront présentes, etc. Ouais, bah c'est ça. C'est la même idée, en fait. Quand on présente le festival, généralement, ce qu'on dit, c'est qu'on a voulu porter la même philosophie du groupe sur un événement. Mmh. Et là-dedans, ça s'observe par le fait qu'on ait développé une expérience. Une expérience, c'est-à-dire que, justement, on va aller plus loin que la musique. Bon, le bar, ça, c'est quelque chose qu'on voit généralement assez souvent. On le compte pas vraiment là-dedans, mais la restauration, c'est pas toujours le cas. Avoir des artisans, c'est pas toujours le cas, encore plus avoir un tattoo shop sur place. Ça, c'est des prestations, je dirais, qu'on observe dans des gros festivals type Hellfest, ce genre de choses là et nous, on a vocation justement à implanter le festival de manière durable, à montrer ce qu'on est capable de faire et surtout faire vivre aussi tout simplement l'artisanat local, ce qui se fait autour de chez nous, faire confiance justement à des gens qui bossent super bien. Et la volonté de proposer ça à notre audience, c'était pour nous le moyen de montrer physiquement et avec un événement ce que le groupe souhaite faire aussi. La démarche d'Amorosis d'avoir justement de la musique, des clips, des machins, etc. C'est exactement la même pour le festival, c'est de développer des choses. Puis qui sait, avec le futur, on sera amené à développer des choses différentes, etc. Toujours dans l'optique d'apporter une plus-value, quelque chose d'intéressant pour le festivalier qui va venir nous faire confiance et qui va faire confiance à la programmation, tout simplement. Et donc du coup, c'est ça aussi qui fait que ça se démarque des autres propositions musicales qu'on a en Touraine actuellement. Et puis d'autant qu'au final, la proposition métal en festival, il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai que sur Tours, la scène métal, elle n'est pas forcément très très poussée, dans le sens où il y a toujours des petits concerts, il y a toujours des petites choses. Je pense notamment au quartier, au Canadian Café, où vous allez retrouver toujours des petits lives, etc. Mais c'est vrai que des gros événements, à part le Seedfest, le Ripfest, on n'a pas grand chose à Tours et on trouve ça un peu dommage. Et c'est pour ça qu'on cherche à faire quelque chose de durable, pas juste un événement pour la promotion de Exordium qui sort le 14 juin 2024. On veut vraiment faire quelque chose qui va pouvoir durer, qui va pouvoir faire partie de la scène tourangelle locale et pourquoi pas internationale. Et bon, ça serait dans très très longtemps si jamais ça marche bien, mais de faire peut-être une petite réputation au niveau du métal à Tours, quoi. Puis pour répondre à ce que tu dis, en plus, on parlait du RIP et du CID. En fait, aujourd'hui, on a deux gros festivals sur Tours qui ont des programmations qui sont assez typées. On a le RIP qui sont plutôt typés hardcore, etc. Ça, c'est des musiques que nous, on n'a pas trop sur notre festival, qui nous parlent, mais qui font pas partie, je dirais, du moderne métal en tant que tel. Et puis, on a le CID qui sont plutôt généralistes, mais qui, eux, vont aussi aller chercher des groupes plus old school, des groupes, je dirais, un petit peu plus historiques. Ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas non plus. Et la volonté d'Artificial Wave, c'est de pouvoir représenter des groupes qui n'auraient pas l'occasion de venir jouer dans la région, tout simplement, parce qu'ils n'ont pas la proposition, ils n'ont pas l'endroit pour le faire. C'est-à-dire que des groupes comme ceux qu'on va inviter, là où ils pourraient jouer, ce serait éventuellement Autant Machine, mais ça nécessiterait soit d'être programmé via un autre groupe, soit ce serait... Enfin, c'est toujours plus compliqué, et ça ne se fait pas forcément, et puis ce n'est pas des salles qui sont réputées pour faire beaucoup, beaucoup de métal, que ce soit Autant Machine ou Batwave, ce genre de choses-là. Et nous, on a vraiment la vocation à leur ouvrir nos portes. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. On reçoit pas mal de mails. Rien que désormais, le festival n'a même pas eu lieu. La première édition n'a pas eu lieu. Qu'on reçoit des mails de bookers qui nous invitent à découvrir tel groupe. Voilà, écoutez, ils ont sorti un album. Ça peut être sympa pour les années prochaines, etc. Et ça, nous, c'est hyper encourageant. Parce qu'on sent qu'on a visé juste avec quelque chose qui a vraiment un intérêt. Quoi, vous êtes déjà identifié. Ouais, totalement, c'est ça. Puis on a pas mal d'acteurs aussi qui communiquent sur l'événement, sur Facebook, sur les réseaux. On a des agendas qui nous ont répertoriés sans qu'on leur demande quoi que ce soit. Donc tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ça paye. C'est ça, ça paye, ça paye. Et d'ailleurs, l'organisation d'un événement aussi conséquent qu'Artificial Waves, il y a dû y avoir un peu des embûches sur le chemin. Tout à l'heure, vous nous parlez d'une salle qui n'a pas voulu vous ouvrir leurs portes. Non, Artificial Waves, ça a été un projet sans aucun doute, sans aucun problème, sans aucune confrontation, sans aucune larme versée. C'est faux, évidemment. Artificial Waves, c'est énormément de travail, que ce soit de la part de Altair ou moi, mais aussi de la part de tous les acteurs qui sont autour, que ce soit les assos, les organisations plus privées, les bénévoles, tout ça. Parce que ouais, c'est beaucoup, beaucoup de boulot. Alors, la petite histoire de la salle qui nous a refusé, ça, c'est un peu plus du perso, mais sur le festival en lui-même, on a énormément de questionnements, énormément de problèmes techniques qu'on résout, un à un. Mais c'est vrai que c'est un travail assez colossal qui, en parallèle de la sortie de l'album, nous rajoute une charge de travail conséquente. C'est ça. Mais c'est une expérience qui est ultra enrichissante parce que là, on commence du coup... à se faire un carnet d'adresses assez formidable, à rencontrer des gens formidables, à avoir des occasions de passer à la radio notamment, qu'on n'aurait peut-être pas eu sans ce festival. Donc même si c'est beaucoup, beaucoup de boulot, c'est quelque chose de très enrichissant et c'est quelque chose qui porte ses fruits presque tous les jours. Nous, avec Altair, dès qu'on voit une place précommandée, ça nous fait toujours très plaisir parce qu'on se dit, voilà, là c'est quelqu'un... De base, les premières places qui partaient, c'était nos amis, nos familles. Ouais, ouais, c'est ça. Du concret, quoi. Voilà. Et là, quand on voit quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on qui habite à Marseille, qu'on voit quelqu'un de Marseille vient, on se dit ah. Ouais, il y a des gens. Enfin, on se dit des fois. Parce que nous, en fait, on a fait le choix, comme on l'a déjà dit, d'être full autoproduit sur tout ce qu'on fait. Et même le festival, c'est pareil, notre billetterie, elle est implémentée à notre site internet avec, pour vendre du merch à Morosis à côté aussi, ça c'est sympa. Mais du coup, effectivement, on a accès à toutes les stats, etc., comme une vraie entreprise. Et on voit un petit peu des gens de Tours à côté, voilà, Charentilly, qui prennent des places. Et puis des fois, on a Caen. On se dit qu'il y a un mec qui va venir de Caen, qui va prendre le train, qui va prendre un hôtel sur place pour venir voir ce festival. Ça fait plaisir. Et c'est ça. Et puis c'est que quand on repense à nos petits yeux de gamins qui étaient à des festivals, qui se disaient « Ah, c'est formidable !» Et je repense à moi qui prend le train, qui vais à un festival, puis qui prend mon hôtel, etc. et qui trouve ça formidable, je me dis « Là, je suis de l'autre côté de la barrière, c'est extraordinaire !» Et d'un autre côté, on a du mal à réaliser parce que... quand on est dans un festival, on en fait tellement tout un truc comme quoi on a l'impression qu'il y a des mecs mais surentraînés avec des feuilles entières de comment on organise un festival. En fait, on se rend compte que personne ne sait comment on organise un festival on fait une liste des trucs qu'il y a à faire et puis on les fait, quoi. T'apprends sur le tas aussi. C'est ça. Hein, c'est là, ça. On a de la chance et ce qui fait qu'on n'a pas tant de problèmes que ça, c'est que du coup, on bosse avec des acteurs de la scène du festival qui sont très très calés sur le sujet. On rencontre pas mal de gens qui nous donnent des très bons conseils et on travaille quand même avec des pros, que ce soit pour la mise en place de la scène, de tout ce qui... va être la technique de tout ce qui va être même pour le bar, vu qu'on bosse avec VNB du coup. Ouais. VNB, on a eu un rendez-vous avec eux, ils nous ont énormément conseillé. Et depuis, c'est un partenariat qui se fait toujours avec plaisir parce que c'est des professionnels qui peuvent nous aider, nous renseigner de façon juste et précise, là où sinon on nagerait en plein délire, quoi. Ouais, c'est ça. Donc en fait, surtout toutes les parties où on n'a pas peur de dire non, nous on sait pas faire, on a besoin d'être accompagné et c'est aussi une force, c'est de. d'arriver à aller chercher de l'aide. Et ça, on remercie infiniment les gens qui nous aident pour ça, parce que effectivement, si on prend du recul, on sort de nulle part, les mecs nous connaissent pas, etc. Mais ils sont séduits par notre démarche, par la volonté de bien faire. Et ça, ça a souvent été souligné, c'est que on avait vraiment une volonté de bien faire, et ça, les gens, ils trouvent ça top, et c'est pour ça qu'ils nous aident aussi. Et puis, vous n'êtes pas une asso. Vous n'êtes pas une asso, donc ça soulève aussi toute la question de, économiquement, comment on le met en place, ce projet. Ah bah, c'est clair. Nous, on a fait le choix d'être en SARL à Morosis, tout simplement parce que ça facilitait beaucoup de choses pour nous sur le long terme, en fait. On est du genre, avec Morosis, à vouloir voir assez loin pour toutes les démarches qu'on a, y compris sur le matériel qu'on utilise, quitte à ce que ça soit plus pénible au début, pour commencer, mais parce qu'on a envie de se donner toutes les chances que ça puisse réussir le plus vite possible. Donc là, typiquement, on aurait pu commencer en association, mais on a voulu faire la SARL pour pouvoir vendre notre merch, pour pouvoir ouvrir notre boutique en ligne, pour pouvoir récupérer la TVA sur le matériel qu'on achète, etc. Il y avait plein de raisons à ça, mais du coup, bah, par manque de temps et puis bah, par manque de charge mentale pour le travail, on n'a pas pu non plus créer une autre association pour le festival. On l'organisait directement avec Amorosis. Et bah, nécessairement, organiser un festival en SARL, c'est se fermer des portes, c'est se fermer des portes à des subventions, c'est plein de choses comme ça. Mais d'un autre côté, on l'a beaucoup vu aussi, c'est gage de sérieux pour les acteurs avec lesquels on travaille. À chaque fois qu'on parle, ils font « Ouais, vous avez une asso ?» Non, on est SARL. Ils font « Ah, ok, bon. » D'accord. C'est plus encadré, c'est plus sérieux. Il y a une dimension de c'est plus carré, c'est plus sérieux. Les mecs qui viennent nous parler, voilà, ils savent entre guillemets ce qu'ils font. On ne sait pas, mais on fait style. et puis voilà, c'est là-dessus qu'on joue vachement, tout simplement. Et si on fait un petit tour des infos pratiques, parce que c'est important pour savoir un peu qu'on rappelle où est le festival, à partir de quelle heure, quel jour. Bah, le festival, du coup, c'est le 14 juin 2024. C'est un vendredi. L'ouverture des portes à 17h avec la billetterie. Premier concert à 17h45. C'est à Tournord au 37e parallèle, juste à côté du lycée Choiseul, desservi par la ligne 2. C'est le terminus, donc pas d'occasion de se tromper, vous pouvez faire une sieste, vous allez arriver. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? Bah, c'est intéressant, moi c'est quelque chose que j'ai vachement mis dans la com aussi, mais c'est intéressant de dire que Tours, en fait, c'est à 1 heure de Paris en train. Donc on a un réseau ferroviaire en France qui nous fait globalement passer par Paris, peu importe où on est en France. Donc sachez qu'une fois que vous êtes arrivé à Paris, il ne reste plus qu'1 heure. Puis justement, cette ligne 2, elle passe par la gare. Donc en fait, à chaque fois qu'on arrive à Tours Centre, on est facilement desservi. On peut facilement remonter sur Tournord pour aller au festival. Puis pour le festival en lui-même, c'est une très grande salle. On peut accueillir jusqu'à 600 personnes. Donc venez nombreux. Et donc fermeture des portes à 1h30, je pense. Ouais, fin des concerts 1h30 et fermeture 1 heure plus tard, quelque chose comme ça, le temps de faire de des photos. De se remettre un petit peu aussi de ses émotions. De verser quelques larmes. Ouais, boire encore quelques bières pour faire la fête avec les copains. Se dire qu'on recommencera plus. Ou se dire que ce sera encore plus gros l'année suivante. Bien sûr. On a écouté donc Amorosis, évidemment, hein, c'est la base. On a écouté Aro Aura, on a écouté Yirao, Arch of Coven. Il nous manque encore quelques groupes sur cette affiche à écouter, à découvrir dans Musicatome aujourd'hui sur Radioactive. Rêve Noir, Dust in Mind et Purge of Sanity. Excusez-moi si je le dis pas de manière... Non, c'est ça, c'est très bien. C'est exactement ça. Donc un petit mot aussi sur ces groupes-là. Et bien là, justement, on arrive dans la partie de la programmation qui est plus nationale, justement. On a du coup Purge of Sanity qui sont des bons copains qui sont de Nantes, qui eux commencent déjà à être bien implantés sur Nantes et puis qui, cette année, ont commencé à vraiment s'exporter en France. Donc là, pour eux, c'est justement l'occasion de s'implanter dans la région centre. Dust in Mind, ils viennent de Strasbourg. Ils ont joué aussi de Fest l'année dernière. Oui, c'est un nom qui est... Ouais, même ça. Quand on n'est pas forcément dans l'univers métal, de manière très poussée, en tous les cas, ça parle, évidemment. Ouais, c'est ça. Mmh. Puis ils ont fait une très belle prestation qui avait vraiment plu, donc c'est chouette de pouvoir les revoir. On le voit même dans les préventes, il y a des gens qui nous écrivent, qui nous disent que ben, justement, ils sont là pour Dust in Mind. Mmh. Et même, petite anecdote, j'ai un père de famille qui m'a écrit l'autre jour sur la page du festival pour me dire qu'il avait acheté la place de concert pour l'anniversaire de son fils et qu'il était super heureux de revenir nous voir. Et puis on lui a proposé justement de venir sur le festival pour faire des photos et puis rencontrer le groupe, etc. Wow. Ça, c'est très chouette. Et c'est pour ça qu'on organise un festival. Hein. Ces petites choses comme ça, c'est inestimable. Mais oui. Et puis Rêve Noir de Paris, du coup. Alors le groupe est un petit peu éclaté à travers la France, mais globalement, ils s'accordent pour dire qu'ils viennent de Paris, puisqu'on en a, il y a deux membres qui viennent de Paris. Et du coup, ils vont descendre de la capitale. Ok, alors Altaïr, 40 Hertz. On va les écouter dans quel ordre ? Ce sera quoi l'ordre de la prog ? Ce sera Purge of Sanity d'abord, Dust in Mind, puis Rêve Noir. Ok, c'est parti Maxine, tu lances, je peux faire tu ça, lances ouais. La platine. can fly, I will sink. Even in the darkest abyss, I will be standing at the gate by all means. And if he doesn't notice, I'll give him reasons to sign the pact. Rise the best. Tell me. If I were a monster, if I were the one to tell, who would it stay behind us? If you are the poison, will you draw me by the end? I'll find peace in another world. Artificial Waves, ce premier festival moderne metal qui aura lieu le 14 juin à 17h, enfin à partir de 17h au 37e parallèle à Tours. On avait aujourd'hui autour de la table de notre studio Altaïr et puis 40 Hertz qui sont tous les deux membres du groupe Amorosis qui feront partie de l'affiche et qui sont également à l'initiative de ce beau projet qu'on a hâte de découvrir. On rappelle que ce sera 15€ en pré-vente et 18€ sur place, donc n'hésitez pas d'ores et déjà à réserver. Moi, la petite question que j'avais envie de vous poser, c'était de savoir pourquoi il faut venir à Artificial Waves. Que diriez-vous à nos auditeurs qui peut-être hésitent encore ? Bah, je vais rebondir sur le prix déjà. 15€ en pré-vente, 18€ sur place pour 7 groupes, un bar, des food trucks, des organisations, des associations, des artisans, un tattoo shop. Pour moi, ça vaut le coup. C'est une programmation qui est très actuelle. C'est des groupes qui sont très connus, mais pas encore trop connus. Donc c'est l'occasion de venir les voir pour dire bah, j'étais là avant tout le monde. Vous allez retrouver aussi tout ce qui va être merch de la part de notre groupe Amorosis et des autres. Et puis c'est quand même la première édition d'un festival qui a pour vocation de s'implémenter durablement. Donc encore une fois, c'est l'occasion de dire j'étais là au premier. Vous allez pouvoir repartir avec votre petit gobelet Artificial Waves pour le prouver. Et pour moi, ça n'a pas de prix. Ouais, c'est clair. Puis c'est aussi l'occasion pour... tous les amis musiciens qui hésiteraient à y aller, c'est l'occasion aussi de développer le réseau, de pouvoir rencontrer du monde, rencontrer des techniciens, rencontrer des artistes, et ça c'est toujours aussi très important dans ce domaine. Et puis pour passer un super moment en fait déjà. Oui. Plein de musique, plein de musique. De bière et de, exactement. Et de bonne ambiance. Et de soft aussi. Et de soft, évidemment. Oui. Avec modération. Absolument. Rappelons que l'abus d'alcool et nanana et nanana. Totalement. En tout cas, on vous remercie énormément d'être venu. Et ben merci à vous. C'était merci super beaucoup. Chouette. Merci beaucoup. Voilà, puis on a hâte d'être au 14 juin, au 37e parallèle. À partir de 17h, on attendra que les portes s'ouvrent. Super. Ouais, j'espère bien, parce que sinon, ça va être le bazar pour nous. Hein. Merci Altaïr, merci 40 Hertz. Merci beaucoup. Merci Maxine. Merci Marlène. À très bientôt. Pour un nouveau numéro de Musique Atome. Absolument. Bye bye. Bye bye.